je pense avoir la batterie, il n'y a pas de batterie là. On va essayer autre chose. Merde. Je vais chercher autre chose. Je sais pas, c'est pas terrible cette séquence.